lâcher dans le vent. Lâcher dans le vent. Quinze heures de tolérance. Tolérance. De passé. Ressurgit. Est-ce que tu reviendras? Es-tu perdu à jamais?